Yo-Yo 89.5 du mardi sur 2 à 21h et aussi sur radiorageuse.net. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir et bienvenue à Comme un ouragan. Pourquoi je ne m'entends pas? Ça, c'est bizarre. Vous m'entendez? Bon, c'est déjà pas mal. Bon, moi, je ne m'entends pas. Je vais essayer que vous m'entendez. Alors, bienvenue à Comme un ouragan, l'émission féministe, une mardi sur deux, sur Radio Audio 89.5. Aujourd'hui, on a eu envie de parler des syndicats. Et comme on n'est pas des spécialistes sur ce terrain, on a des invités. Trois, très précisément, des syndicats différentes. Elles vont se présenter après notre petit intro. En tout cas, on est très, très contentes qu'elles sont là avec nous. Nous, à Comme un ouragan, on a des expériences et liens très différents avec les syndicats, mais aucune d'entre nous fait partie d'une. En tant d'habitants et militantes Saint-Étienne, on se croise quand même assez souvent à des manifs ou rassemblements avec les syndicalistes, voire des cortèges de la CGT, CNT, Solidaires, Sud, etc. Écouter des prises de parole, lire des flyers et discuter ou disputer à des moments. Alors on a eu envie de savoir plus sur les structures des syndicats, leurs histoires, l'organe interne, la solidarité avec d'autres luttes antiracistes et féministes. Et alors aussi, ça nous intéresse les parcours perso des personnes, des femmes engagées dans des syndicats, autrement dit, de vous, les invités. L'idée de cette émission, c'est de visibiliser les fonctionnements, les objectifs, les complexités. C'est donner la pêche pour lutter, avoir des belles échanges, écouter des chansons révolutionnaires et passer une chouette heure ensemble. Allez, c'est parti. Alors, première question pour vous trois. Est-ce que vous voulez bien vous présenter et présenter d'abord peut-être un peu le syndicat dont vous faites partie, un peu ses bases, son fonctionnement, et puis nous raconter un peu aussi comment vous en êtes venus à devenir des syndicalistes engagés. Salut, alors moi je suis syndiquée à la CND, la Confédération Nationale du Travail. Du coup, c'est un syndicat qui a vocation à se distinguer des autres par son côté explicitement révolutionnaire. Genre, c'est issu d'une scission de la CGT qui s'appelait CGT syndicaliste révolutionnaire. Et du coup, le projet, c'est que on lutte pour mieux vivre, mieux survivre au quotidien, mais surtout on lutte explicitement pour l'abolition de la propriété privée et de la société de classe. Et du coup, plutôt ça parle. Moi, ça me parle. Et ça fait maintenant peut-être 2-3 ans que je suis syndiquée à la CNT. Avant ça, je militais ponctuellement avec des syndicats là où je pouvais, parce que je bougeais pas mal et je changeais tout le temps de boulot. Et plutôt, à la CNT, ce qui m'a permis de m'y investir, c'est qu'on a un fonctionnement où toutes les personnes qui font des boulots différents militent ensemble, dans les mêmes réus, dans le même, même UL, même cadre. Et du coup, ça permet aux personnes précaires qui changent de boulot toutes les 2 semaines de s'investir quand même de manière, sur du long terme, quoi. Pas seulement être « bonjour, je débarque, salut !» Ce qui peut être un peu frustrant, des fois. Et moi, j'ai 2 petites questions, si ça te va de préciser. Du coup, concrètement, du coup, de ce que je comprends, et je t'ai entendu raconter ça aussi tout à l'heure, du coup, la spécificité, c'est vraiment le côté interpro. Et concrètement, ça veut dire les permanences, elles ne sont pas dans les boîtes, mais ailleurs Mais après, c'est aussi une autre des spécificités, c'est le côté autogestionnaire. Ça, j'ai pas dit. J'ai oublié, c'est important. Genre, on n'aime pas les chefs et on n'en veut pas chez nous. Et on part du principe que plus il y en aura, moins ce sera efficace. Et ouais, le côté interpro, du coup, c'est pas censé s'opposer au fait d'être présente dans les boîtes. Il peut y avoir des sections d'entreprise, mais déjà, en vrai, on n'est pas beaucoup. Du coup, c'est rare d'être assez nombreuses pour pouvoir monter des vraies sections efficaces. Et en plus de ça, l'idée, c'est que même s'il peut y avoir des sections d'entreprise, on se réunit avant tout et prioritairement avec les autres gens des autres entreprises. Alors, que ce soit par secteur, pour les personnes qui peuvent, des secteurs qui sont plus représentés que d'autres, ou avec même les autres secteurs directement. On est dans une idée que plus il y a de contact entre les différentes boîtes, plus ça évite aussi le côté corporatiste qu'il peut y avoir des fois dans le syndicalisme de bah, nous, on a des gros salaires, c'est cool, on s'en fout de la boîte d'à côté. Genre, nous, on est pour l'unité de notre classe, en fait. Et les galères dans une boîte, ça nous concerne aussi, même si on n'y bossera jamais, quoi. Et CNT Saint-Etienne ou CNT dans d'autres villes avant, du coup ? C'est où que tu as commencé ? Maintenant je suis à Saint-Etienne, mais j'étais déjà à la CNT avant d'arriver à Saint-Etienne. J'étais dans le nord, loin, à Cherbourg, ouais. Oh. Tu voulais entendre Cherbourg. Bien sûr. Bon. Et dédicace. Et c'était un peu par hasard que je me suis retrouvée à la CNT. Enfin, par hasard. Non, je suis révolutionnaire depuis longtemps, etc. Mais que je m'y suis retrouvée syndiquée, c'était parce que concrètement, j'avais besoin d'un logement pour une formation à l'arrache que je devais commencer, que j'ai pas commencé parce que transphobie, enfin bref, pas intéressant. Et au final, j'ai contacté la CNT parce que je me suis dit, ouais, c'est des camarades et tout, c'est cool. Peut-être qu'ils pourront me dépanner sur un plan logement, un canapé, un squat, je sais pas. Et je leur ai envoyé un message sur leur page Facebook, moi de CNT, et j'ai dit, bonjour, je suis une camarade, est-ce que vous auriez un petit logement, s'il vous plaît, un truc? Et du coup, j'ai été accueillie très chaleureusement par une camarade de la CNT qui ne me connaissait pas, que je ne connaissais pas, le temps de rebondir, de trouver un taf, un logement et tout. Et voilà, c'est par ce biais-là, du coup, que même si j'avais de la sympathie pour la CNT, c'est par ce biais-là que j'ai commencé à adhérer, à y militer. Ils t'ont dit, tu as un logement si tu restes pendant le reste de ta vie à la CNT. C'est ça. Dès que je quitte le syndicat, je suis à la rue direct. D'accord, facile. Ok. Et une ben de vos ouais. Envie de faire la suite, raconter une de votre parcours. Alors, je m'appelle Hélène et puis je suis à la CGT. Ça fait pas très longtemps, en fait. Plutôt en milieu de vie. C'est un peu une reconversion professionnelle qui m'a amenée à me syndiquer. Je suis devenue assistante sociale il y a plus de 10 ans, il y a 12 ans, je crois, à peu près, que j'ai eu le diplôme. J'ai repris des études pour changer de métier. Et puis, en fait, je crois que j'avais déjà conscience des injustices. Et puis, ce métier-là, ça me les a fait encore plus toucher du doigt. Après, bon, bah, il y a un contexte familial aussi. Voilà, des figures historiques. J'ai un grand-oncle qui a participé à la fondation du Parti communiste. Donc voilà, des histoires qui se racontaient dans ma famille. Voilà, je savais de quel côté je me situais. Et puis ensuite, j'ai une maman, on en parlait tout à l'heure aussi, qui était à la JOC. Donc voilà, c'est une période qui a disparu, mais ça se battait beaucoup à Creuse-aux-Loire. Mes parents étaient à Creuse-aux-Loire et donc il y a eu des grosses luttes. À l'époque où la CFDT, la JOC était vraiment... je ne sais pas si on peut dire révolutionnaire, mais était à la pointe de la lutte, quoi. Ensuite, je suis devenue assistante sociale. Et puis, après, c'est vrai qu'en vrai, une vie, ça ne se fait pas comme ça, par tranche. C'est plutôt par strate. Et puis, quand je suis devenue assistante sociale, voilà, je me suis vraiment imprégnée de toutes les injustices qui pouvaient toucher les personnes. Là, il se trouve que je reçois beaucoup de femmes victimes de violences. Donc, en fait, ça se croise aussi dans ce que je fais dans le syndicat et puis ce que je vis dans mon travail. Et puis, c'est aussi la rencontre d'une personne qui est aujourd'hui en retraite, qui s'appelle Bernadette, qui était à la CGT. Et puis, j'étais fan de Bernadette et je l'admirais beaucoup. Elle était assistante sociale. Et voilà, c'est quand même ma figure... Je me cale sur elle. Quand j'ai le doute, je repense à elle. Et puis, donc j'ai commencé comme elle à aller à Paris, aux réunions du National, ce qui est un peu bizarre, mais voilà, moi, je suis moins quelqu'un de terrain. Je suis plutôt quelqu'un qui a besoin de temps pour parler, qui a besoin de temps pour écrire. Donc, voilà, j'étais au Collectif National des Assistantes Sociales. On a fait paraître pas mal d'articles... dans différentes revues en lien avec la CGT. Et puis voilà, aujourd'hui je suis élue au sein de l'unité départementale depuis l'année dernière. Et voilà, plus spécifiquement depuis quelques mois, au collectif contre les violences sexistes et sexuelles au sein de la CGT. Trop bien, merci. Trop intéressant. Ouais. Alors, les troisièmes parcours. Alors, les troisièmes. Moi, je vais parler d'abord de mon syndicat, parce que moi, il est un peu moins connu que celui de la CGT. Donc, une petite présentation. Moi, c'est l'Union syndicale solidaire. C'est un syndicat, un des plus récents qui existe, hein, parce qu'il n'existe que depuis 1995 à peu près. Il est né, on va dire... Après une grosse lutte en 95, je pense d'ailleurs c'est déjà les retraites, hein, peut-être bien, où ben, voilà, à la base les gens voulaient continuer de lutter et bien la tête pensante, parce que c'était organisé comme ça, a décidé le contraire et il y a eu une énorme scission. Alors le syndicat est paniqué avec des personnes qui venaient de la CFDT, mais tout un tas de personnes qui étaient à ce moment-là ensemble dans la lutte ont eu envie de créer un syndicat qui fonctionne autrement et... en particulier de façon démocratique, c'est-à-dire que c'est en bas qu'on décide et en haut, on obéit à ce qui a été décidé en bas. Voilà. Cette union syndicale, elle fonctionne avec ce qu'on appelle plein de suds différents, mais qui sont des secteurs professionnels où les gens se reviennent. Et on a une organisation démocratique exigeante, dans le sens où ça demande beaucoup de temps, beaucoup de réunions, mais du coup, qui permet à ce que ça corresponde, à ce que chacun pense ou fasse, et puis que c'est la majorité des personnes en lutte qui décide de ce qui va se passer. Et en fin de compte, moi, personnellement, c'est comme ça que j'imagine les choses. Et du coup, comment j'y suis rentrée, c'est un peu... Alors, je suis enseignante, j'étais convaincue de plein de choses, je faisais plein de mouvements de grève, mais je n'étais pas dans un syndicat en particulier. Et puis voilà, en 2009 ou 2010, il y a eu un autre mouvement. Je crois même encore que c'était peut-être aussi les retraites, c'est possible. Et j'ai commencé à manifester. Et puis il y avait des personnes qui étaient dans le cortège dont le discours m'a interpellée. Je suis allée à des AG qui avaient lu dans la salle Sacco et Vendetti à la Bourse de Travail. Certains camarades, du coup, maintenant qui sont devenus des amis, ont pris la parole. Et je me suis dit, mais ouais, en fait, ils mettent des mots sur ce qui est dans ma tête. Et c'est trop bien. Donc après, je suis allée les voir en assemblée générale du syndicat pour voir si ça me plaisait, si ça me correspondait. Et j'ai vu ça, quelque chose que je connaissais pas, où en fait chacun dit ce qu'il pense, où on discute, on débat vraiment. Enfin, c'est hyper intéressant de chacun est respecté. On finit par voter pour voir ce que les gens choisissent. Et je me suis dit, je vais rester là. Et depuis, j'y ai appris... énormément de choses, en fait, aider dans les pratiques, de lutte politique et sur tous les débats qui avaient lieu dans le syndicat. Enfin, Solidaire, ce qui les caractérise, c'est un syndicat un peu... Bon, c'est un peu comme la CNT, c'est-à-dire que c'est très politique. Et ça considère que si on veut changer notre travail, il faut changer la société, du coup. Donc, c'est forcément anticapitaliste et avec plein d'autres luttes dont on parlera tout à l'heure. Mais il y a féministes, antiracistes, écologistes et toutes ces choses-là. Et du coup, il y a tout un tas de moments où on se retrouve quand il n'y a pas forcément une lutte, mais juste pour pouvoir discuter de comment on aimerait la société, comment on aimerait qu'elle soit différente et qu'est-ce qu'on peut y faire. Et ça m'a permis de rencontrer plein de gens et d'avoir des débats... auquel j'aurais jamais pensé participer, et à mettre plein de mots sur ce qu'on peut penser, parce qu'en parlant avec plein de gens différents, ça permet de comprendre plein de choses, et c'est super riche, voilà. Trop bien, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup pour cette entrée en matière. Moi déjà, ça me donne des frissons et envie de... Poser plein de questions. Mais je me disais, comme on a aussi plein de musique, peut-être pour se chauffer, on pourrait s'écouter une petite chanson avant de commencer les vraies questions. L'Assemblée générale dans 3 minutes. C'est ça, en fait, le plan. On fait une Assemblée générale secrète en direct. Bon, c'est pas si secret. Bon, peut-être, j'ai pensé, toi, tu voulais, ou tu as eu envie, par exemple, aussi d'écouter Peine Sardine. Oui. Tu as envie de l'annoncer ou dis pourquoi ou... Alors, si, je peux dire pourquoi. Parce que le syndicat dont je suis partie au départ, c'est celui d'éducation. Ils ont fait un congrès tous les 3-4 ans. Et du coup, là-bas, il y a tout un tas de commissions qui s'y retrouvent. Il y a une commission antisexiste et féministe. Et du coup, c'était ma première expérience de chorale que de femme vécue à ce moment-là dans ce congrès. On a commencé par les Pernes Sardines. Et... Oh, frisson. La première fois où j'ai vu ça. Et voilà. Et à chaque fois que je la réentends, ça fait les mêmes frissons. Super. On va se faire des frissons collectifs avec cette chanson. Thank you.

un petit bazar là, à réussir à savoir où se positionner, et que par exemple nous, ce qu'on disait à Common Ouragan, qu'on va pas forcément dans les AG interpro, du coup on n'a pas forcément un imaginaire de qu'est-ce qui s'y passe, c'est quoi les décisions, est-ce que ça se gueule dessus, est-ce que plutôt c'est est-ce que les décisions elles se prennent un peu en sous-main à d'autres endroits où il y a tout qui est décidé dans les AG, un peu à quel moment, qu'est-ce qui s'y passe quoi, et comment vous vous arrivez à tenir un peu ce truc là, est-ce que vous y allez déjà, parce que peut-être c'est pas obligé. Ça, ce sera un peu la première question, et sachant qu'il y en aurait une deuxième qui est aussi au sein des endroits où vous travaillez, où vous militez, comment est-ce qu'en tant que syndicaliste, vous avez aussi un truc d'essayer de recruter, quoi, pour, pas forcément pour le syndicat, mais pour la lutte, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, pour ce qui est des assemblées générales interpro, dans ce mouvement-là, malheureusement, on peine à en organiser, genre... Notre position collectivement, c'est bah, notamment les premières manifs, on essayait de le faire beaucoup, genre de dire bah, en fait, là c'est cool, nos chefs à Montreuil, ils ont décidé de journée d'action, mais on ne va pas passer notre temps à attendre les ordres de Montreuil et à attendre la prochaine journée d'action. Il faudrait qu'on fixe notre calendrier localement, et pour ça, il faut faire une assemblée générale, en mode on se réunit le plus possible. Et on décide ensemble de ce qu'on fait. Mais malheureusement, bah, c'est un peu de mal à prendre. Et les AG interpro, bah, on se retrouve à 30 personnes qui se connaissent déjà. Bon, et au final, ça fonctionne. Tant mieux tant que ça fonctionne. Mais pour ce mouvement-là, les décisions, elles sont plus prises dans l'intersyndical, du coup. C'est-à-dire les représentants, représentantes des différentes organisations syndicales qui se réunissent dans une petite salle froide de la Bourse du Travail. Très froide. Première revendication du chauffage. Ça, c'est le mairie. Mairie de Saint-Étienne, du chauffage, s'il vous plaît. Pour décider de... Oui, qui se met devant dans le cortège, qui se met derrière dans le cortège, en suivant les journées d'action dictées par les directions nationales à Montreuil. Je fais ma râleuse, j'aime bien, hein, je suis là pour ça, je suis la CNT. On t'écoute. Oui, du coup, ouais, c'est un truc un peu où on n'est pas forcément censé opposer les deux, dans le sens où c'est complémentaire, mais il faudrait qu'il y ait plus d'assemblées générales et moins d'intersyndicales pour que le mouvement puisse être plus solide dans la durée, je trouve. Alors à la CGT, moi je participe pas aux interpro. Ce que j'observe de la CGT, c'est que c'est en même temps un mouvement bah, qui... C'est des allers-retours, je dirais, entre bah, ce qui se passe à Montreuil, comme tu disais Elsa, entre le secrétaire général et puis tout plein de commissions. Et puis c'est des allers-retours avec la base. Donc, dans chaque département, il y a des unions départementales, des unions locales. En fait, c'est très, très maillé. Je pense que bah, parce qu'on est un syndicat plus ancien que la CNT, et puis que ça s'est construit comme ça, de façon à ce que tout le territoire soit représenté, et puis que les décisions puissent bien circuler. Donc, à chaque congrès, il y a ce qu'on appelle une feuille de route qui est décidée par le secrétaire général, et puis... les différentes commissions, et puis avec une application sur le terrain, puis en même temps, il y a des remontées du terrain. Mais c'est vrai que concrètement, je ne peux pas faire imaginer aux auditeurs comment ça se passe une interpro. Après, l'idée que je m'en fais, c'est que bah, chaque syndicat qui est présent aujourd'hui contre la réforme des retraites a ses assemblées générales, et puis le secrétaire général fait remonter, comme disait Myriam tout à l'heure, ce qui a été voté. Donc voilà, c'est une représentation démocratique qui a été un petit peu, on va dire, peut-être pas battue en brèche, mais on a montré que ça pouvait être fait autrement. À Nuit Debout, par exemple, je crois que c'était le nom il y a 5-6 ans de ce mouvement qui a quand même duré. C'est-à-dire qu'on parle, on parle, on parle jusqu'à ce que les arguments arrivent à convaincre les autres personnes. Alors que bah, je pense à la CGT, comme dans plein d'autres syndicats, à un moment on dit bah, on a assez parlé, et puis on vote, et bah, puis tu repars avec tes frustrations, tu es super content parce que c'est ton avis qui l'a emporté. Mais voilà, c'est comme dans tout mouvement, dans toute inscription, bah, on n'est pas d'accord sur tout en fait. faut ravaler sa fierté, faut ravaler ses idées, et puis tu te dis ben j'essaierai de mieux parler la prochaine fois pour essayer de convaincre, mais voilà, faut pas lâcher l'affaire, et puis faut continuer à tenir bon. Mais on peut pas être d'accord avec tout, on a des plein de différents, il y a voilà des gens qu'on enfin qu'on s'apprécie pas, voilà, c'est, mais c'est la CGT, enfin c'est le syndicat qui fédère, et puis voilà, qui permet la lutte. Alors, les AG Interpro pour ce mouvement-là, ce que disait Elsa, c'est exact, il n'y en a pas pour l'instant. Il va y avoir des AG, on va dire, par secteur. Alors, il faut peut-être expliquer ce qu'on entend par AG, par intersyndical, etc., parce qu'effectivement, quand on ne connaît pas, c'est compliqué. Alors, tous les syndicats ne sont pas organisés de la même façon, et on va dire, ne passent pas par de l'autogestion de la même façon que certains. Et c'est une des difficultés. En fait, il y a une intersyndicale qu'on appelle nationale, interprofessionnelle, où c'est les secrétaires pour les syndicats qui ont des secrétaires nationaux. En l'occurrence, par exemple, nous, on a deux ou trois co-secrétaires systématiquement, parce que justement, il y a toujours au moins une femme et un homme minimum, voilà, parce qu'on veut que ce soit... Il y a d'autres endroits, il n'y en a qu'un, il y a des endroits où il n'y en a pas, où ça tourne, c'est tournant. Nous, c'est déjà arrivé pour place d'éducation, il y en a sept et ça tourne, donc voilà, chacun a sa façon de voir. Et du coup, ils se réunissent nationalement quand il y a des mouvements, mais dans chaque syndicat, on a une autre façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a des syndicats qui vont passer par des AG, ben, par secteur, parce que bon, quand on a un gros secteur, forcément, ben, voilà, il faut ben, voir ce que pensent toutes les personnes qui travaillent dans la même branche professionnelle, qui va être ben, en pleurail, hein, puisqu'on va parler du mouvement social actuellement. Et c'est un des secteurs qui est emblématique dans la lutte, je pense que tout le monde le sait. Et du coup, eux, ben, ils vont faire une assemblée générale. Et puis, ben, dans leur propre syndicat, ils vont remonter, par exemple, alors on va prendre l'exemple de Sud, mais voilà, pas pour que ce soit Sud, parce que je suppose qu'à d'autres endroits, c'est la même chose. Mais les adhérents de Sudrail ben, vont faire une assemblée générale de leurs militants, mais il va y avoir aussi, par exemple, que dans le secteur du rail, par exemple, je prends la gare de Château-Creux, le matin, une assemblée générale avec toutes les personnes qui travaillent pour le rail, où il y aura tous les syndicats présents, et ils vont décider ou voter, par exemple, c'est comme ça que ça se passe en ce moment, de la grève reconductible ou pas. Voilà. Après, ils vont le porter auprès de leur structure syndicale, qui va le faire remonter, on va dire, à celui qui gère l'interprofessionnel, qui gère tous les syndicats. Et imaginons que quand on va faire l'AG Interpro, bah, y a un mandaté du rail qui va dire bah, « Nous, on a décidé de faire la grève reconductive. » Quelqu'un de l'énergie qui va arriver, qui va dire « On va faire la grève reconductive. » Et à un autre endroit, ça va arriver. Normalement, quand les choses se passent comme ça, ça remonte et en haut, on dit « Bah oui, alors on fait une grève reconductive pour tout le monde, partout. Voilà. » Certaines structures syndicales ont un fonctionnement différent, qui peut s'entendre aussi. Hein. Peut-être qu'à l'interne, le secrétaire il va dire ce qu'il a été discuté à l'interne avant. Je ne voudrais pas dire qu'ils voilà, ne respectent pas l'avis de leurs adhérents. Et du coup, eux, bah, ils vont dire, si le secrétaire a dit ça, on va décider de la grève ou pas. Donc la difficulté qu'on a, c'est que certains disent, si on fait une AG interprofessionnelle, comme on en a déjà eu fait, hein, moi c'est comme ça que je suis rentrée, mais maintenant, on n'a pas réussi à ce mouvement social en faire une. On en a eu fait aux anciens mouvements sociaux. Il y avait tous les syndicats qui venaient, des gens qui étaient là, et effectivement, qui pouvaient décider soit de grève, soit au moins, en tous les cas, d'actions qu'on pouvait faire tous ensemble. Tandis que maintenant, ben, voilà, ça se décide. Il y en a tout de même, mais pas dans une AG qui s'accouille les étés. En général, c'est souvent ça. Voilà. En même temps, on est 9 syndicats. Ouais. Et c'est une énorme difficulté, et en même temps, et ben, c'est ce qui fait que ce mouvement social, ouais, il est hyper clairement impressionnant. Ouais. Et 9 syndicats avec des syndicats qui ont vraiment, on va dire, pas le même, comment on va dire, type de recrutement. C'est-à-dire qu'il y a quand même certains syndicats qui recrutent un peu plus chez les cadres, et du coup, c'est pas tout à fait les mêmes personnes. Je dis pas qu'il y a pas de cadres à la CNT, peut-être. Un peu différent. Là, il y a certains syndicats qui, voilà, qui syndiquent de la police, et il y en a d'autres, bah, surtout pas. Donc... Et oui, c'est toute l'histoire des syndicats. Ouais. Alors, par contre, ce qui est difficile à faire, et en même temps, parce qu'il faut à tout prix maintenir, parce que cette lutte, elle vaut le coup, et en fait, il y a vraiment beaucoup de gens. C'est qu'il faut essayer de faire en sorte que des fois, même s'il y a des choses qui nous contrarient, hein, voilà, c'est ce qu'on dit, on est tous d'accord là-dessus, et qu'on verrait les choses un peu autrement, de faire les choses qui font consensus. Ce qui n'empêche pas de faire d'autres choses qui sont complètement complémentaires, sans un aval de tous et toutes. Ouais. Voilà. Donc, par exemple, une manifestation ou l'organisation d'une manifestation, d'une journée de grève, on va décider d'un certain consensus. Pour d'autres actions diverses que certains aimeraient faire et d'autres pas, eh bien, ça va se discuter peut-être un peu moins nombreux et ça vient en complément et ça soutient la lutte. Voilà. Non, mais qu'effectivement, que... Nous, c'est pour ça qu'on avait envie d'être avec vous aussi, parce que je pense que c'est des nœuds pour tout le monde, enfin pour qui milite ou qui a envie un peu de casser ce monde là aussi, et puis de trouver un peu comment tu arrives à faire, effectivement, qu'on sait qu'on a besoin d'être ensemble pour avancer, mais que des fois aussi tu te dis, oula, mais jusqu'où on va dans le consensus, etc. Quoi. Du coup, c'est... Ouais, grande question, Myriam. Bon, c'était ça en plus, si dans des questions si larges comme ça, que si dans, c'était ça une de nos questions, on a aussi envoyé à vous, dans les trucs de lutter contre les droits de travail, et ça veut dire, il y a, comme tu as dit, des gens salariés, je veux dire, il va être la police, des gens qui travaillent pour la justice, je sais pas, et jusqu'à où tu vas faire une alliance pour le but là, ou à quel moment tu dis « Ah là, j'arrive pas » ou « Je sais même pas comment c'est possible » parce que j'imagine aussi des choix comme ça individuels où c'est peut-être tout le syndicat, je sais pas, jusqu'à où ça va. Ça m'intéresse aussi, c'est quoi la possibilité, je veux dire Vas-y. Alors, pour ça, nous... En interne, il y a effectivement des positions qui vont être syndicales, mais qui auront été débattues avant en Assemblée générale, enfin, voilà, que nous, on peut faire. Et après, on a des mandats ou pas des mandats. Après, chaque adhérent n'est pas obligé, comme tu disais, des fois, ce n'est pas forcément l'opinion qui va sortir et de ne pas suivre cette opinion-là. Mais tu mets le doigt sur un problème qui est récurrent et qui va se poser et en cours de mouvement et qui nécessite qu'on se retrouve, on va dire, entre certains militants ou en tous les cas dans notre syndicat, entre nous, pour dire est-ce qu'on est d'accord encore avec ça? Est-ce qu'on continue? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je vais prendre un exemple parce que ce n'est pas maintenant, mais que ça a eu lieu dans l'éducation, où à un moment on était avec le SNALC, qui est un autre syndicat, mais qui porte, on va dire, une pédagogie différente que le nôtre. Nous, on va porter des pédagogies alternatives très politiques. Le SNALC, c'est plutôt un peu une méthode d'enseignement un peu à l'ancienne, avec une estrade et on écoute. Bon, voilà. Peut-être que ça va choquer certaines personnes, mais voilà, ça n'empêche une réalité. Eh bien, des fois, quand on était opposé à la réforme Lorcaire, ce n'était pas du tout pour les mêmes raisons, par exemple. Et à quel moment est-ce qu'on signe un document ou pas avec eux? Si on signe à plusieurs, on est plus nombreux dans la rue, mais est-ce qu'on a envie d'être à côté des deux dans la rue? C'est vraiment une question, et jusqu'à quel compromis? Voilà. Là, par exemple, voilà, je peux donner un exemple dans ce truc-là qui ne va pas forcément être avec des gens avec qui on aimerait pas être, mais nationalement, il s'est posé une énorme question dans l'intersyndicale, c'était le RN commençait à dire « Ouh, nous aussi, on n'est pas pour la réforme pour pouvoir récupérer... des voix, eh bien, on se doutait qu'il y en avait qui viendraient dans le cortège et c'était au moins en tous les cas clair qu'on n'en voulait pas dans nos cortèges. Et que si jamais ils arrivaient, eh bien non. Et que dans nos déclarations interprofessionnelles, intersyndicales, on disait le RN n'a pas sa place ici. Ouais. On l'a fait, nous, ici, localement, il n'y a pas longtemps. Ils l'ont fait dans d'autres villes, pour que ce soit bien clair. Donc ça, par exemple, ça fait partie des choses qui sont discutées et qui sont un point de non-retour. Mmh. Moi, je ne supporterais pas qu'il y ait quelqu'un à côté de moi qui porte son écharpe et qui soit RN dans mon cortège. Mmh. Enfin, dans mon cortège entier. Hein. On va dire... Dans ma manif, quoi. Exactement. Mais, donc, mais oui, c'est un vrai truc. Jusqu'à où on fait alliance ou pas. C'est cool aussi parce qu'il y a des alliances inattendues qui se créent. Enfin, pour un peu de joie, parce que ma dernière intervention, c'était de râler. Mais par exemple, nos voisins à la Bourse du Travail, nous, c'est la Confédération française des travailleurs chrétiens. Et plutôt, nous, à la CNT, c'est une culture anarchiste. Et du coup, de base, on ne penserait pas être potes avec des travailleurs chrétiens. Mais en fait, maintenant, c'est nos potes. Il y a des alliances plutôt inattendues qui se créent dans le cadre de l'intersyndicale. C'est cool. Trop bien. J'avoue, je trouve bien de dire ça parce que même en ne tentant pas être syndicaliste, mais militante, je trouve qu'il y a plein de luttes où tu rencontres ça, en fait. Et aussi pas seulement négatif dans le truc de « Ah, avec ces personnes ou ces groupes ou assos, je ne vais pas être, mais plutôt, ah, sur ce terrain-là, en fait, c'est un allié et ça ne va pas forcément dire que sur tous les autres terrains, je dois être d'accord avec cette personne ou avec cet asso. Et quand même, cette lutte, on peut porter ensemble et ça va nous faire plus fort. Parce que sinon, ouais, on va rester seul. On n'avance pas. Ouais. Chercher le consensus. Ouais. C'est ce qui fait consensus. Est-ce que ça vous dit qu'on se refasse une petite pause musique et après on enchaîne quand même sur un peu aussi la militance de base en tant que syndicaliste dans les boîtes, le recrutement, tout ça aussi ? Ouais, super. Et ben, on enchaîne avec une musique. On enchaîne avec Ultra Moderne, Elsa, c'est toi qui l'as proposé, t'as envie de la présenter un petit peu ? Ouais, Ultra Moderne, c'est trop bien, écoutez Ultra Moderne, téléchargez, c'est gratuit sur leur site. Et la chanson, elle s'appelle Les Nouvelles Usines parce que on a trop une vision du prolo masculin qui bosse dans une usine et on oublie que, bah, que la classe ouvrière aujourd'hui, elle ressemble plus tant à ça et que même dans les usines, bah, y a plus de travailleuses que de travailleurs et que voilà. La chanson, elle est bien. Trop bien. À chaque fois qu'il y a une petite pause musicale, on adore écouter les musiques que vous nous proposez, mais on en profite pour avoir des débats. et non, vraiment, que c'est hyper intéressant, moi, je trouve, de tout ce que vous amenez chacune là-dans. Ah bah oui, moi, avec tel camarade, c'est... Enfin, voilà, tout ce que ça peut brasser comme question. Et du coup, Moi, j'avais envie de renvoyer aussi sur votre boulot de, c'est ça, un peu de syndicalisme de base, de comment est-ce que vous rencontrez d'autres gens, que vous allez causer un peu de, bah ça, de causer de capitalisme, de droit du travail, comment ça se passe, est-ce que vous le faites, est-ce que vous y arrivez, comment vous êtes perçu quand vous faites ça, comment ça se passe aussi quand il y a du conflit, je sais pas moi, au sein des sections, ou les belles choses aussi. Et ben oui, là, moi, l'endroit où je travaille, c'est quand même compliqué. Alors pas au sens large, parce qu'on est quand même plusieurs syndiqués CGT, on est nombreux. Mais dans l'équipe dans laquelle je suis, je sais pas, j'ai encore l'impression que le syndicalisme, c'est un gros mot. Je sais pas, ça va changer dans 100 000 ans. Et puis un syndicat de gauche. Faut pas dire le mot lutte. Ouais, c'est ça. Le parti communiste, enfin voilà, Satan, on dirait qu'il y a encore, ça fait encore peur à beaucoup, beaucoup de gens. Donc c'est quand même très clivé. Il y a des personnes avec qui c'est impossible de parler, impossible de parler de la société, des luttes, parce que bah ouais, j'ai un travail, j'ai un salaire, je suis content. Et qui n'ont pas l'historique de bah, pourquoi tu es content aujourd'hui, pourquoi tu as un salaire, pourquoi tu as des conditions de vie décentes. C'est parce qu'il y a des gens avant toi qui se sont battus, qui sont morts, beaucoup. Et voilà qu'il faut continuer, parce qu'à la CGT, dans les syndicats, on parle de conquis sociaux, parce qu'on a longtemps parlé d'acquis, et puis on s'aperçoit que c'est grignoté, en fait, si on n'est pas toujours là à se battre. Alors oui, d'un côté, c'est usant, mais surtout, il ne faut pas lâcher, parce que bon, on voit pour l'avortement, voilà, dans plusieurs domaines, qu'il faut être là, il ne faut pas se satisfaire du moment présent. Et puis, par égard, par rapport aux aînés, moi, je me souviens, j'ai une maman qui est âgée maintenant, qui se souvient de sa troisième semaine de congé payé, et elle disait avec les copines, mais qu'est-ce qu'on va en faire de cette troisième semaine? Ça leur semblait tellement incroyable d'avoir trois semaines dans l'année, quoi. On vient d'un temps où les personnes travaillaient plus de 48, 50 heures. Donc je me dis, ouais, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on revienne en arrière. Et puis, il faut se battre, parce que bah, c'est grignoté tout doucement. Nos conquis sont grignotés, ouais. Donc, insidieusement, voilà, par des méthodes qui se veulent modernes. Voilà, je me suis intéressée à la sémantique du management, et c'est effrayant, on a toujours un train de retard, en fait. C'est très compliqué de bâtir un discours, parce que ben, ils ont de l'avance, on dirait, ils sont très, très formés. Et puis ouais, le management moderne, je trouve, c'est une catastrophe, ça nous lamine dans les entreprises. On parle de management par algorithme maintenant. Donc, je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, mais j'espère à la CGT qu'on va continuer à prôner le rôle de l'humain. Où est l'humain dans tout ça? Moi, c'est un peu mon combat aujourd'hui. Et puis, ouais, j'ai un peu oublié la question que tu posais au départ sur comment ça se passait. Donc, oui, il y a des gens, on sait que le discours, que le dialogue n'est pas possible, que la CGT, ça leur fait trop peur. Et puis, sinon, ça peut arriver aussi parfois après une question qu'un collègue se pose, et puis qui vient chercher du soutien. Il est accompagné par le délégué syndical, parce que ça, c'est super important quand même. Faut pas qu'on le perde, ce soutien qui est apporté aux salariés, pour aller voir la direction, dire bah, voilà ce qui se passe avec ce collègue qui est en souffrance. Et donc là, ça va l'amener à toucher du doigt concrètement. Parce qu'il y a une personne un syndicat qui l'a accompagné, qui l'a aidé. Mais sinon, je dirais que ça, c'est peut-être aussi des relations amicales, c'est peut-être des relations off par rapport au travail. Parce qu'au travail, c'est assez compliqué de trouver des moments où on se sent libre de parler de tout ça. Du coup, peut-être par rapport à toi, j'ai une expérience bien différente, dans le sens où je change de boulot tout le temps. Enfin, je fais beaucoup d'intérim, beaucoup de boulot précaire à droite, à gauche. Je suis ouvrière pas mal dans l'industrie, un peu dans l'agricole. Je bossais un moment à McDo aussi. Et du coup, il n'y a pas ce rapport. Par exemple, je n'ai jamais été délégué syndical, tu vois, accompagner les collègues ou quoi. C'est un truc où moi, plutôt, bah, vu que je suis sur des contrats précaires, j'essaie de cacher à ma hiérarchie le fait que je suis syndiqué. Mais du coup, ce truc un peu où, en tant que syndicaliste et en tant que syndicat, on existe de manière un peu confidentielle dans les boîtes, ça crée, ou alors peut-être c'est lié au poste que j'occupe, je sais pas, ça crée un rapport où c'est facile de parler avec les collègues de syndicalisme, de révolution même des fois, de communisme, d'anarchisme, etc. Et toujours dans un truc un peu, un peu confidentiel, de, ouais. On se le murmure quand le manager est un peu loin, ou vite fait à la post-clope, mais faut pas trop que ça se tâche. Ouais, tiens, je te file une petite brochure syndicale, surtout tu dis rien à personne. Hein. et au final, c'est plutôt c'est intéressant du coup de voir le truc différent. Et plutôt, je me suis fait virer plusieurs fois. Tu as trop dit que t'étais syndiquée. Parce que j'étais syndicaliste. Ça va très vite. Mais je trouve que ça va dans des boulots ouvriers, dans des boulots que les gens, ils sont là vraiment sans en voir le sens et juste par nécessité matérielle. Bah, c'est assez facile de, en partant de... Putain, on est déjà lundi, vivement le week-end. D'en arriver à un discours en fait anticapitaliste. En plus, t'as vu la patronne, comment c'est trop une connasse et tout, comment elle nous parle. Vas-y, ce serait mieux sans patron quand même, hein, la boîte elle tournerait mieux. Ah ouais, grave. Hein. Et enfin, peut-être c'est lié au poste que j'occupe, mais j'ai l'impression que quand on est là vraiment juste par nécessité matérielle, genre ça va très très vite dans les discussions avec les collègues de politiser le discours et de l'amener sur un discours ouvertement anticapitaliste. Pas forcément syndicaliste, et si les collègues ont une bonne image du syndicat, la plupart du temps ils vont pas s'y investir, mais je cherche pas à leur vendre la carte non plus. Genre, je suis en mode voilà, moi je fais ça, ça existe. Si t'as besoin d'aide, tu sais où nous trouver. Et c'est plus les idées qui vont derrière que j'essaie de diffuser dans ma pratique syndicale dans les boîtes. Quoi. Du coup, toi, dans ce que tu racontes, la différence, par exemple, c'est que quand on est dans des postes administratifs, un peu comme toi, par exemple, où les gens, ils sont en poste, etc., quand on milite, c'est peut-être pas la même chose que quand on est, comme toi, dans des postes précaires, parce que, alors, tout le monde n'a pas la même culture, au fait, au départ, militante et politique, et n'a pas le même quotidien. Les gens qui ont un emploi où ils sont pas si mal, ils ont tellement entendu, alors, j'aime pas dire les gens, une partie des personnes, c'est plus... ont tellement entendu un discours où il faut se satisfaire du pas de ce qu'on est parce que c'est pas si mal, que du coup, ils osent pas être revendicatifs. Et quand on leur dit, non, ça va pas, que voilà. Il y a beaucoup plus pauvres et on leur a tellement vendu à la télévision ça que du coup, ils osent pas se dire, non, c'est pas juste et moi, je vais pas me plaindre de ça. Alors qu'effectivement, des personnes qui sont vraiment en situation plus précaire, en fait, je pense que, en tous les cas, elles entendent peut-être plus facile. Non, elles acceptent plus facilement d'entendre le discours parce que c'est tellement difficile leur quotidien que forcément, elles voient bien qu'il y a un peu la limite classe. Alors qu'un petit peu plus haut, les gens n'admettent pas parce que des fois, on est même à certains postes. C'est-à-dire que, on va être pas juste le simple ouvrier, on est un petit peu au-dessus, mais on a quand même encore un chef au-dessus de nous et on est toujours quand même un prolétaire parce que le mot prolétaire a été complètement... déformer un prolétaire, ça veut dire qu'on a un patron qui décide au-dessus de nous, et pour l'instant, c'est l'État, c'est l'État capitaliste. Bon, on va faire un raccourci, mais ça reste quand même comme ça que ça fonctionne, et même maintenant. Alors, pour recruter, je pense que ça dépend vraiment du secteur professionnel. Alors, c'est pas le mot recruter, c'est convaincre les gens que le syndicat, c'est un outil. C'est pas le seul, il y a d'autres moyens de lutter, mais en tous les cas, c'est un outil, et pour se défendre d'abord sur son lieu de travail, et ensuite, pour mener des luttes qui peuvent être plus importantes, et puis ensuite... quitte à faire une révolution et changer le monde, pourquoi pas aussi. On aimerait bien. Oui. Donc, Et après, il y a des mots qui font peur à certaines personnes ou pas. Donc, il y a plusieurs façons. Des fois, ça va être juste en discutant. Dans l'éducation, c'est un peu plus facile. C'est un monde un peu particulier, le monde des profs. On peut organiser des stages syndicaux, par exemple, où on va apprendre des thèmes et où là, les gens vont pouvoir commencer à discuter en discutant de leurs conditions de travail, de ce qu'ils vivent et comment on en est arrivé là. Eh bien, le cheminement se fait et à plusieurs, on est plus fort. C'est une réalité, à plusieurs, ouais. On est toujours plus forte. Et c'est comme ça qu'on peut plus se vrai, parce que seul, de toute façon, on sera jamais... Enfin, isolé, on n'arrivera jamais à pouvoir résister. Ou alors, on peut se faire beaucoup de mal. Y en a qui arrivent, hein, mais ça peut être très violent. Et à plusieurs, c'est mieux. Voilà. Ah, merci. C'était... encore une fois, très intéressant. moi, je vous propose, parce qu'on va arriver vers, vous voyez, il va nous rester un peu de temps, mais ça passe vite en Assemblée Générale, comme un ouragan, quand on prépare la révolution. La semaine prochaine. Faut qu'on fasse vite. Ouais, c'est ça. Non, mais justement, pour se prendre le temps, encore une petite chanson, et puis après, on en revient sur nos questions autour de comment... Comment est-ce qu'on mène les luttes aussi féministes et antiracistes avec le syndicat et dans le syndicat ? Et qu'on se prenne un petit peu du temps là-dessus avant de clôturer sur un mouvement révolutionnaire ou petit à petit, quoi. Voilà. Et aussi, bon, moi j'ai eu quand même... Ouais, mais ça marche peut-être aussi avec la question que tu as dit, mais moi ça m'intéresse aussi que si vous êtes dans d'autres luttes ou groupes militants politiques à côté et comment ça se... Combine ou pas. Voilà, mais tu as envie de dire sur les chansons, même si ou tu voulais écouter La Marelle, c'est ça ? Ah, voilà, La Marelle. Pourquoi tu l'as choisie ? Alors, je l'ai choisie parce que ce sont des femmes, mais aussi, j'étais en train de penser que je l'avais choisie parce que j'ai en tête ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que les femmes se font beaucoup maltraiter. On va le dire comme ça, par rapport à leur voix. C'est-à-dire que... Non, on est à la radio, donc peut-être que c'est un acquis, mais que... Voilà, c'est les voix graves qui passent, donc les voix d'hommes. Et il y a même des femmes qui, pour mieux passer, essayent de travailler pour rendre leur voix plus grave. Et je trouve ça grave. Et... Oui, en fait, elles se font... Ouais, c'est ça, ta vie, c'est ma carrière future. Et à l'Assemblée nationale, en fait, elles se font huer par les hommes en disant qu'elles ont des fois des voix trop aiguës, qu'elles leur cassent les oreilles quand elles prennent la parole. Et voilà, j'ai lu ça hier et je trouve ça trop violent. Donc, une femme au violoncelle et une femme à la chanson, Rosemary, je crois. Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Menina pequena. tanto chorar. Tu chores mal la cour et avec les vomis baillants. Le jeu de la marée, le vin de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La la la la la la. Bonsoir au studio de Radio Lio 89.5. On est malheureusement presque à la fin de notre émission Comme un ouragan, où on parle du syndicat aujourd'hui. Et il nous restait une ou deux ou trois petites dernières questions. Bon, une question qui nous paraît un peu évidente ou importante, c'était aussi la question comment on fait des luttes antiracistes et féministes. Se porte aussi dans vos syndicats, je veux dire internes, mais aussi à l'extérieur, je veux dire, on se solidarise avec quelle lutte ou pas, et peut-être avec ça aussi, en tant que vous êtes, je veux dire, des hommes blancs cis, comment ça se passe dans votre syndicat, c'est quoi voilà, le rôle, les positions, les luttes, la force, les solidarités ou pas. Bon, tout ça, quoi. Facile. En 3 minutes. Tout petite question. Non, on peut se prendre, je pense qu'on peut se prendre un peu, oui, de temps, ouais. Mais, du coup, plutôt, dans mon syndicat, à la CNT, on est une majorité de meufs. Enfin, parmi les personnes actives, en tout cas. Je ne sais pas, parmi les cotisants non actifs, mais parmi les personnes actives, on est une majorité de meufs. Et ça impose quand même une ambiance en termes de manière de fonctionner quotidienne, etc. Et ça n'empêche pas que des mecs puissent avoir des comportements masculins, c'est le principe. Mais au moins, si on leur fait remarquer collectivement, ça, c'est pas OK, bah, Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. En mode, oh, vous faites chier les féministes. Genre, non, je te ferme ta gueule. Et, mais ce n'est pas non plus un truc, genre, ce n'est pas inné, évidemment. Genre, il y a des copines sur place, à Saint-Etienne notamment, qui ont beaucoup porté, qui se sont beaucoup pris dans la gueule pour avoir porté à l'échelle nationale ce truc féministe. Et la première des luttes féministes au niveau du syndicat, ça n'a pas été vis-à-vis de l'extérieur, ça a été vis-à-vis de l'intérieur. Parce qu'en fait, on a beau être d'extrême gauche, anarchiste, communiste, révolutionnaire, je sais pas quoi, bah on peut quand même être une grosse merde. Et en fait, il y avait des affaires de viol à l'intérieur des syndicats qui étaient couverts par d'autres militants. Et c'est pas que chez nous, hein, c'est partout. Mais du coup, bah, y a des copines de chez nous qui ont commencé à s'organiser pour porter collectivement le fait que c'était pas normal et qu'elles étaient pas censées avoir peur en franchissant la porte du local, en fait. Elles n'étaient pas censées avoir peur de croiser un tel ou un tel. Elles n'étaient pas censées ne pas oser venir en congrès parce que peur de recroiser leur agresseur. Et en fait, le premier des combats des féministes organisés, en tout cas en tant que tels, au syndicat, ça a été vis-à-vis de l'intérieur du syndicat pour essayer de lutter au maximum et de freiner au maximum les pratiques de patriarcales, quoi, qui pouvaient exister. Et du coup, de ce collectif-là qui est né d'abord pour lutter en interne, ça a permis, du coup ça s'appelle Famure, ça a permis du coup de s'ouvrir sur l'extérieur et d'animer des permanences, un peu type permanence syndicale où les gens viennent pour parler de leurs problèmes au travail, mais spécifiquement féministes où du coup ça couvre aussi la sphère hors travail, sphère privée, et ça a vocation d'accueillir les personnes et d'aider au maximum les personnes victimes de violences patriarcales. Et aussi vis-à-vis de l'extérieur, du coup, ce collectif qui est non mixte, du coup qui a été constitué tel quel, et pour ça, pour pouvoir lutter efficacement, il n'y a pas de mec cis dedans. Du coup, s'investir aussi autant que possible dans la collective ou avec d'autres organisations féministes de la ville. Alors, il y a des choses qui font résonance parce que je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est en interne aussi qu'il y a des choses qui se vivent, en fait, on va dire, sur les luttes féministes et antiracistes. Et les syndicats ont dû, on va dire, s'organiser pour. Enfin, les femmes dans les syndicats ont dû s'organiser pour justement faire en sorte que ce qui se passait en dehors de la société se passe moins dans les syndicats. Ça ne veut pas dire que c'est encore complètement gagné, mais ça se fait. Et se sont mis à avoir des pratiques exigeantes et nécessaires. Avec des commissions antisexistes en non-mixité, des commissions, par exemple, pareil, antiracistes. On fait même, nous, des stages dans l'éducation en mixité. Hein, ça va, sujet à débat et à plainte de M. Blanquer, par ailleurs. Et certaines pratiques, par exemple, dans les débats, nous, on va avoir des listes canadiennes. Où, c'est-à-dire que pour discuter, quand on va distribuer la parole, il y a quelque chose. Alors, c'est rigolo parce que... Pardon, ça veut dire quoi, les listes canadiennes? Voilà, je vais vous expliquer. Alors, en fait, c'est ce qui est... Ce qui est drôle, c'est que comme tu dis, comme on est dans un milieu où on porte des idées très révolutionnaires, les gens pensent que comme eux, ils sont très très bien et qu'ils pensent nous soutenir dans tout, ils pensent qu'ils sont exempts de choses qui sont complètement inconscientes. Enfin voilà, comme forcément avoir besoin de donner son avis ou lever la main, et les hommes étant habitués plus souvent à être écoutés, mais ils le font même pour la plupart, enfin pour une partie, pas la plupart, une partie, de façon inconsciente. Et du coup, la liste canadienne, c'est une liste où quand il y a quelqu'un qui va... Il y a un débat, il y a quelqu'un qui va être le secrétaire et qui va distribuer la parole. Donc, vous allez avoir trois colonnes. Une première colonne où quelqu'un qui a déjà parlé, parlera en deuxième. Et toutes les personnes qui veulent parler avant, qui ne se sont jamais exprimées, vont d'abord donner leur avis. Et ensuite, dans la deuxième colonne, suivant la proportion d'hommes-femmes, ou si on sent que dans la salle, il y a besoin de ça, il y aura d'abord les femmes qui s'expriment, ensuite les hommes. Et donc, on a quelqu'un dont le rôle est de répartir la parole en donnant la priorité aux personnes qui, la plupart du temps, sont les personnes qui... ose moins s'exprimer à l'oral. Et ça change beaucoup de choses. Les premières fois où on a fait ça, c'était avec un chronomètre où des copines des commissions, pour prouver aux autres que c'était nécessaire, ont pris un chronomètre et se sont amusées à chronométrer toutes les prises de parole dans une assemblée générale. C'est drôle. Pas mal. Le résultat est très drôle. Et c'est inconscient, hein, mais c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire à quel point la parole, elle est c'est pas monopolisé, c'est parce que c'est pas forcément pour avoir le monopole, c'est parce que de façon inconsciente, naturelle. Ils ont pas peur de s'exprimer, ils vont avoir besoin de redire ce qui a déjà été dit, enfin voilà. Donc les luttes féministes, c'est vraiment en interne. Et puis après, il y a d'autres collectifs. Je pense que on est plusieurs ici à faire partie à d'autres endroits, dans d'autres collectifs, parce que ça nous a semblé... Une fois qu'on commence à militer, qu'on veut changer plein de choses, il faut le faire partout. Et que tout le monde n'étant pas syndiqué, il faut aussi le faire avec les gens qui ne sont pas syndiqués. Et donc, c'est à d'autres endroits, avec des gens qui n'ont pas envie d'être syndiqués, et c'est un droit. Et pour les luttes antiracistes, et dans le syndicat et nationalement, ce qui est très compliqué, c'est que... tout un tas de personnes qui vivent des discriminations racistes ne sont pas syndiquées parce que c'est des personnes isolées, qui n'ont pas de papier, qui n'osent pas forcément se syndiquer parce que, comme tu disais, si je suis syndiquée sans papier, autant dire que c'est perdu pour moi. Et donc, c'est des collectifs qui sont à part et c'est des fois, on va pouvoir les aider, mais si on veut que ce soit les personnes qui vivent la discrimination qui choisissent comment lutter, nous, on est là pour les aider à s'organiser. On est là pour... faire en sorte qu'ils puissent lutter, les protéger s'il le faut, mais c'est difficile, en fait, de faire ça que par le biais du syndicat. Parce que, il y a des endroits où il y a peu de personnes racisées qui rentrent dans un syndicat encore. Ouais. Tu veux dire que limite pour que par exemple que cette lutte soit plus efficace, qu'il faut faire des alliances plutôt que de tout miser sur le syndicat ou un... Ah oui, moi j'en suis persuadée. Ouais. parce que tout le monde a la même culture, parce qu'il y a des gens sur leur milieu de travail, ils vont être trois sur... je vais donner l'exemple du BTP, mais trois sur un chantier. Donc forcément, se retrouver pour aller militer, ça peut être compliqué. Et il y a d'autres modes d'organisation. Et du coup, c'est des personnes militantes d'ailleurs, et que nous, on y arrive en tant que syndicalistes avec notre expérience, mais c'est dans un autre collectif et pour d'autres choses. Parce que ça ne va pas être forcément dans les luttes antiracistes, ce n'est pas forcément le syndicat le meilleur outil, parce que leur revendication première, elle va être sur d'autres priorités de leur quotidien. Et pas forcément que sur le milieu de travail, hein. Ça va être d'avoir juste pas de discrimination pour pouvoir trouver un logement. Par exemple, à l'emploi, n'en parlons pas, pour la banque ou pour les écoles, parce que ça, c'est pareil aussi. Donc, on va dire l'intersectionnalité, les gens commencent à en parler, tout le monde ne comprend pas forcément, mais c'est ça, en fait, ça veut dire qu'elles sont complémentaires, ces luttes, et que les syndicats, il ne suffit pas à changer tout ça. On est obligé d'aller à d'autres endroits aussi. Comme je le disais tout à l'heure, je suis depuis quelques mois au collectif Femmes Mixité. Et comme me disaient les camarades, c'est que y a personne qui n'est exempt de... qui n'est sans reproche à ce niveau-là, au niveau des violences sexistes et sexuelles. Et puis, comme disait Myriam aussi, au niveau de choses qui semblent de l'éducation, c'est-à-dire du respect qu'on porte à l'autre, de la parole qu'on donne aux autres et qui est prise par un groupe dominant. Donc, je ne sais pas comment c'est à Solidaire, mais c'est vrai qu'à la CGT, il y a beaucoup d'hommes, on va dire, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Après, c'est comme dans la société, il y a beaucoup de femmes dans les bases, on va dire. Je pense, comme dans la société, je pense aux métiers qui sont dits utiles, mais si méprisés. Et puis en haut, il y a plus d'hommes. Comme chez les directeurs. On est un peu à l'image de la société, en fait. Et puis, mais ce que je trouve joli, je suis contente d'être dans ce syndicat, je veux dire, parce que je crois que ça fait depuis 2015, donc qu'ils ont vraiment pris cette question à bras-le-corps. Et puis, d'écouter les victimes, de dire que leur parole, elle existe. Donc, il y a vraiment un protocole qui existe au sein de la CGT, après, qui peut évoluer, mais on a vraiment des référentes. Ce qu'on voudrait, c'est que tout le monde soit formé aussi, quand on rentre à la CGT, avoir un temps de ce que c'est les violences sexistes et sexuelles. J'ai aussi noté qu'on était dans... Moi, ce qui me plaît aussi aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, c'est qu'on est dans une accélération quand même historique au niveau des mœurs et puis de la prise en compte de chacun en tant qu'individu et puis que la CGT elle a des grands pas à faire mais que elle se coltine quoi puis que ça va pas sans heurts parce que c'est compliqué et puis qu'on vient d'un monde où il y a 2000 ans de patriarcat je crois d'ailleurs nous donc ça va pas changer en 5 ans. Je me rappelle de ma petite échelle, là, finalement. Au début, j'étais fière, et puis là, je suis rien. 2000 ans de patriarcat, donc ça commence dans les âgés aussi, dans nos entreprises, et puis ailleurs, quoi. Ne plus laisser passer les petites phrases. Enfin, en fait, c'est très large, les violences sexistes et sexuelles. Ouais, on pourrait faire un autre sujet là-dessus. Mais vous l'avez peut-être déjà fait. Bon, je vais faire une anecdote, je peux ? Une anecdote un peu. C'est le moment. Le 8 mars arrive et c'est juste pour rigoler un moment. Depuis quelques années, on fait le 8 mars et on déclare une grève et une manifestation. Mais avant, on faisait quelques rassemblements. Et la première fois où j'allais aux réunions intersyndicales, le syndicat c'est quand même un peu avancé là-dessus, mais pas partout. Première réunion intersyndicale, j'arrive avec quelques retards, parce que c'est un peu mon habitude. Et il n'y avait que des hommes qui étaient là pour préparer la journée du 8 mars. Et du coup, parce qu'après, il fallait me parler d'un autre truc. Et j'arrive, ils me disent, bon, alors Myriam, on t'explique. On peut te retrouver tel jour, à telle heure, à tel endroit. Et quelqu'un pose, bon, il n'y a pas besoin de dress code. Là, je dis, bon, ben, en fait, je pense que je vais intervenir et dire que j'aimerais bien qu'on recommence tout. C'était magnifique. Et comme j'ai dit, on va dire politiquement correct, ben non. Mais non, fait autrement. La première fois, c'était. C'est dur. Hein. Ouais. Comment les hommes m'apprennent la vie. Voilà, c'était même. Non, mais pas besoin de s'habiller en violet, c'est bon, à 17h. Non, non. On va le faire en violet. Voilà. C'est un peu dommage que, bon, on est déjà à la fin parce que ça donne un peu envie d'avoir plein des anecdotes comme ça. Bon, peut-être on va faire une suite à un moment. Bah ouais, c'est sûr, parce que moi. Ouais, on va faire une suite, d'accord. on va vous réinviter pour la suite de la. Non, mais parce que moi je trouve ça peut. Enfin, quand même aussi, ça fait ce truc d'avoir envie de continuer à discuter sur. Aussi justement les alliances, comment tu les penses, parce que moi je pense effectivement que aussi par exemple là on a pas mal nommé autour des luttes féministes, antisexistes, mais aussi effectivement aussi là comme tu nommais sur les luttes antiracistes, mais aussi que ça fait moi je trouve comme ce discours un peu dominant mais qui existe aussi dans les syndicats de dire attention à pas faire de la division entre les travailleurs, que ça soit etc. et que tu vois qu'historiquement c'est un peu toujours ça quand t'as des par exemple le mouvement des travailleurs arabes qui se mobilisent, qui font des luttes de ouf et comment ils arrivent ou pas à faire alliance avec des syndicats ou pas, ou dans les luttes féministes sur tout ça, et que là on se dit waouh, ça c'est des trucs hyper passionnants aussi à discuter, mais du coup on va vous réinviter, voilà. Merci. Ouais, merci en tout cas pour être venu. C'était super intéressant. Merci à vous. Ouais. Et voilà, un petit dernière chanson qui donne la pêche. On va même pas dire les titres parce qu'on va les reconnaître tout de suite. Et puis comme ça, on va se lever et partir en révolution tout ensemble. Ouais. Et nous, on se revoit dans 2 semaines à Commune Oragon. Oragon. Wow, pas mal. C'est mon accent du sud, du nord, du je sais pas. Bon, ouais, à dans cas, 2 semaines. Ouais, et puis encore merci beaucoup et on se voit toutes en manif. Voilà. Oh, oui. Ciao. À la tête, à 60 ans, on s'est battu pour gagner, on se battra pour garder. À la tête, à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on s'est battu pour la garder. La retraite, à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. La retraite. La retraite. Il passe des pros, me flatte. Du jardinage et du bricolage. Des mots croisés, et puis du sport. Et aussi du souci en colère. Qu'ils prennent l'apéro entre amis. Qu'ils en dégueulent à la minuit. La retraite, à 60 ans. On s'est battu pour la gagner. On se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans. On s'est battu pour la gagner. On se battra pour la garder. La les machines s'envoient en l'air dans l'église. Qu'elles parlent fort, à table, nous mettre minables, on frappe. Et qu'elles repassent des diplômes, qu'elles nous fassent des tartes aux pommes. Ou qu'elles plantent le soleil, si elles ont un peu la flemme. On s'arrêtera pas là, on veut entendre les cris de joie. Dans les parcs, on était des gogas libérés. Les cheveux gris au vent, courant un poids vers le levant. Qui fait chanter et faire des rondes et réfléchir au nouveau monde. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans.